Pourquoi vous êtes-vous arrêté, prince? Poursuivi? Je vous obéis, Nastassia. Quoique, il me répugne de parler devant tous ces gens. Parlez quand même. Parlez pour moi, prince. Soit. Je vous ai dit tout à l'heure qu'en vous mariant avec moi, c'est vous qui me faisiez honneur. Et non inversement. Vous avez souri. Les autres ont ri franchement. Peut-être me suis-je mal expliqué, mais je sais ce que c'est que l'honneur. Et je suis sûr d'avoir dit vrai. Il n'y a rien à vous reprocher. Qu'est-ce que cela peut faire que vous ayez été abusé par M. Totski? Qu'est-ce que cela peut faire que Gabriel Ardalionitch ait voulu se jouer de vous? Et que Parfen Rogojin soit venu vous chercher ici? Pourquoi toujours en parler? Pourquoi? Vous demandez pourquoi? Mais parce que toutes ces choses n'arrivent pas à une femme honnête. Qu'en savez-vous, Nastassia? Et qu'est-ce que cela veut dire, une femme honnête? Mais laissons cela. Si en dernier lieu vous avez décidé de partir avec Rogojin, vous l'avez fait dans un moment d'égarement. Vous ne sauriez pas rester avec lui. Vous l'auriez abandonné bien vite. Vous êtes fière, mais vous êtes malheureuse aussi. Au point de vous sentir toujours coupable. Vous avez besoin de beaucoup de ménagement. Je vous entourerai de soins, je veillerai jour et nuit sur vous. Vous voulez vraiment vous passer la corde au cou, prince? Mais je ne veux pas être cette corde. Tantôt, j'ai vu votre portrait. C'était comme si j'avais reconnu un visage ami. Il m'a semblé immédiatement que vous m'appeliez. Anastasia, je vous estimerai toute ma vie. Et je me tue. Dans mon désir de venir en aide à Nastassia Philippovna, je fais oublier devant quels gens je parlais. Mais surprenant tout à coup le regard méprisant que posait sur moi Afanassy Totski, je repris conscience de la triste réalité. Son regard disait « C'est un idiot ». Et pourtant il sait qu'on obtient tout par la flatterie. Je rougis pour Afanassy Totski. Et je me sentis misérable. C'est alors que j'entendis la voix du général Yepanchin. Pourquoi donc? Voilà un homme bon et bien élevé, mais que sa bonté et sa bonne éducation perdront précisément. C'est dommage. Tout le monde feignit de ne pas avoir entendu les paroles du général Yepanchin, sauf Nastassia Philippovna. Il baissa la tête et porta la main vers sa bouche, comme si elle craignait qu'un sanglot ne s'en échappât. Je vous remercie, prince. Jusqu'à présent, personne ne m'a parlé de la sorte. On a toujours voulu m'acheter. Mais nul parmi les hommes honnêtes ne m'a jamais demandé en mariage. L'avez-vous entendu, monsieur Totski? Que pensez-vous de ce qu'a dit le prince? C'est presque indécent, n'est-ce pas? Mais où vas-tu, Rogojin? Attends, ne pars pas. Peut-être m'en irai-je encore avec toi. Où voulais-tu m'emmener? Rogojin tressaillit et regarda fixement Nastassia Philippovna. Il avait l'air complètement perdu, comme si on lui eût asséné un coup de marteau sur la tête. À Ekaterinov, Nastassia Philippovna, dans les Troïkaïs avec les Tziganes. Mais qu'est-ce que tu as, Nastassia? Est-ce que par hasard tu es devenue folle? Partir avec Rogojin, avec un fils de marchand, un ivrogne! Tu veux donc que je fasse le malheur du prince, de ce pauvre innocent? Je suis une femme perdue, mais je ne suis pas une méchante femme. Viens, Rogojin! Mais d'abord, donne ton argent. Cela ne suffit pas que tu me demandes en mariage, il faut payer. Il faut me racheter à Totski. J'étais sa maîtresse, non? Ah, vous êtes tous pareils, vous les hommes. Donne ton argent, te dis-je! Mais qu'avez-vous, général? Mais on se croirait à Sodome. À Sodome, mon Dieu. Nous sommes ici parmi des gens respectables. Est-il possible que vous partiez avec Rogojin après tout ce que je vous ai dit? Oh, Nastassia, ne le faites pas. Ne le faites pas, je vous en supplie. Mais pourquoi pas? Pourquoi ne partirais-je pas avec Rogojin, prince? Je suis une femme perdue. Mais vous m'avez trouvée tout à l'heure parfaite. Vous parlez d'une femme parfaite qui s'acoquine avec un moujik pour pouvoir se vanter d'avoir foulé au pied un titre princier et 1,5 million de roubles. Vous entendez, monsieur Totski? Je viens de jeter 1,5 million par la fenêtre. Comment avez-vous pu penser que je pourrais épouser un Gabriel Ardalionitch pour vos malheureux 75 000 roubles? Mais reprenez-les, reprenez-les! Reprenez-les ou je vous les fiche à la figure. Et maintenant, je vais m'amuser comme une fille publique. J'ai vécu 10 ans en prison, non? À moi le bonheur. Allons, Rogojine, es-tu prêt? On y va. On y va, Anastasia Philippovna. On y va, Mazarine. Et là-bas, vous autres! Du vin! Du vin? Tu as raison, Rogojine, je veux boire. Y aura-t-il de la musique? Oui, oui, il y en aura. Pour la dernière fois, je t'en supplie, reprends tes esprits, Nastasia. Chasse d'ici ce mougique. Ne t'approche pas de Nastasia Philippovna, cette vipère. Elle est à moi! À moi seul! Mais pourquoi hurles-tu ainsi, Rogojine? Je suis encore maîtresse chez moi, je n'ai pas pris ton argent. Je peux donc te mettre à la porte. Alors prenez l'argent. Prenez-le vite, Nastasia Philippovna. Autrement, je me tuerai devant vous. Oh, c'est bien. Je prends ton argent. Car mort, tu me répugnerais encore plus que vivant. Ouf. Elle a pris le paquet. Cette fois, elle est vraiment à moi. Ne vous approchez pas d'elle, vous autres. Ou gare à vous. Silence, fils de mougique. Silence, maudit bâtard. J'ai encore quelques mots à dire au prince. Dis-les, Mazarine. Dis tous les mots que tu veux au prince. Regardez-moi, prince. J'ai accepté l'argent. Je l'ai accepté parce que je suis une débauchée. Mais vous pleurez pourquoi? Riez plutôt. Riez comme je ris. Et maintenant, adieu. Mais comment puis-je m'en aller sous ton regard plein de reproches? Baisse les yeux, prince. Aide-moi à partir. Là, vous m'en demandez trop, Nastasia. Vous aider à partir alors que tout en moi me commande de vous retenir. On ne recommence pas, cela vaut mieux ainsi, je t'assure. Tu m'aurais méprisé plus tard. Nous n'aurions pas connu le bonheur. Mais non, ne dis pas le contraire. Surtout ne me regarde pas ainsi, tu me fais trop de peine. Mais cependant, combien de fois n'ai-je pas rêvé de quelqu'un qui te ressemblait? De quelqu'un de bon, d'honnête. Et de tout aussi bête qui m'aurait dit: vous n'êtes pas coupable, Nastasia Philippovna, et moi je vous aime. J'en ai rêvé au point d'en devenir folle. L'autre, c'est-à-dire Afanassy Totski, arrivait à ce moment-là. Il passait 2 mois dans la maison où il m'avait enfermé. Et il repartait. Souvent, j'ai voulu me jeter dans les temps, mais je n'en ai pas eu le courage, j'étais trop lâche. À présent. Oh, mais à quoi bon poursuivre? Es-tu prêt, Rogojine? On est prêt, Mazarine. On attend que toi. Mais alors, c'est bien, en route! En route! En route! C'était « L'idiot », un feuilleton de Georges Govy inspiré de Dostoïevski, avec Pierre Vanek, le prince Mishkin, Marcel Bozufi, Parfen Rogojine, Michel Bréhé, Daria Alexeyevna, René Maupré, une voix, avec Pierre Bertin, le général Yepanchin, et Sylvia Montfort, Nastasia Philippovna. Musique d'Edgar Cosma. Production réalisée dans les studios de la RTF à Nice par Yves Dariet, avec la collaboration de Jacques-Élie Moreau et le concours de la troupe dramatique régionale.